Du coup, bonjour à tous et bienvenue à cette édition un peu particulière de BD Mania, puisqu'il ne vous aura pas échappé que le programme a été un peu perturbé par le mouvement social, mais on est là et on va vous parler des Tortues Ninja qui fêtent leur anniversaire cette année, puisque c'est le 35e anniversaire des Tortues Ninja. Je m'appelle Matt et je suis accompagné de mon acolyte Marvel, célèbre YouTuber Sartois. Bonjour Marvel. Bonjour à toi, bonjour à vous. Tu es une vraie célébrité, tu es dans le top 5 des youtubeurs comics les plus suivis en France. Apparemment. Une sorte d'honneur en fait de t'avoir avec nous. On connaît tous les Tortues Ninja, principalement par les films, les dessins animés, les jeux vidéo, tout ce qui a pu être décliné. Mais les Tortues Ninja, à la base, c'est un comics. Est-ce que tu peux nous raconter la création de ce comics des Tortues Ninja ? Effectivement, les Tortues Ninja à l'origine, c'est bien un comics, comme beaucoup de créations qu'on a dans la pop culture, effectivement. Et ça a été créé donc en 1984 par Kevin Eastman et Peter Laird, donc deux passionnés comics, tout d'abord lecteurs et puis ensuite un petit peu dessinateurs, qui décident de se lancer dans l'aventure du comic book et créer eux-mêmes leurs personnages et un début d'univers. Ça part pas tout de suite comme ça. À l'origine, c'est quand même une rencontre entre deux mecs qui étaient fans tous les deux de Jack Kirby. Donc Jack Kirby, c'est le co-créateur de Marvel et notamment de tous les super-héros bien connus de l'univers Marvel. Et c'est ça qui a lié leur amitié, c'est le fait que tous les deux étaient des grands fans de Jack Kirby et puis ensuite de Frank Miller, auteur de Dark Knight Returns, auteur qui a révolutionné les comics en 1986. Voilà. Et du coup, ces deux bonhommes-là étaient juste des grands fans qui se sont retrouvés pour tenter de créer quelque chose. Donc à l'origine, ils ont créé un petit bonhomme robot qui s'appelait Fugitoid. Alors attends, on va reprendre juste la base, parce qu'à l'origine, c'est quand même l'histoire de Lalouse. C'est-à-dire que le premier possède un comic shop et il édite un fanzine qui est mal distribué un peu sur les campus, qui est plutôt un truc qui a un succès d'estime. Donc c'est Peter Laird. Et en fait, Kevin Eastman, qui a un petit boulot un peu pourri, qui doit prendre le bus pour aller au travail, un jour trouve par terre dans le bus le fanzine qui a été abandonné. Voilà. Il commence à lire ce truc-là et il finit par dire « Bon, bah, j'ai envie de collaborer à ce magazine. » Il contacte Peter Laird et c'est comme ça qu'ils se rencontrent. Et effectivement... grâce à une des planches de Jack Kirby. Peter Laird possède une planche de Jack Kirby. Kevin Eastman, qui est fan de Kirby aussi, ce que tu disais, ça le fait complètement vriller. Et ils décident de s'associer, alors qu'ils ont plutôt des caractères opposés. Ils décident de travailler ensemble. Leur première publication, c'est ce que tu disais, c'est Fugitoid. Ça ne marche pas du tout. C'était quoi Fugitoid ? C'est juste les aventures d'un robot bagarreur qui visait un public plutôt adolescent. Mais après, dans le fond, ça n'a rien révolutionné. Donc c'est un vrai bide. Et du coup, ils essayent de trouver un nouveau concept. Et donc, ils se réunissent un soir. Il y a sûrement quelques bières qui traînent. Et puis, ils décident de faire une sorte de concours dessiné, d'improviser des trucs. Et au milieu de tout ça, Kevin Eastman va dessiner une sorte de tortue avec un bandeau sur les yeux, prête à aller faire du ninjutsu. C'est ça, avec des sailles. Le tout premier, c'était avec les épées. C'était Leonardo ? C'est Leonardo, ouais. C'est Leonardo, ouais, avec les épées. Et du coup, c'est Eastman qui fait le premier dessin et Laird fait le deuxième dessin. On a chacun font leur version des Tortues Ninja. Et puis voilà, après, ils décident d'en mettre quatre dans l'équipe avec un rat. En fait, ils décident ce qui les amuse, c'est d'associer deux concepts qui ne peuvent pas fonctionner ensemble. C'est-à-dire que le ninja, c'est quelqu'un qui est souple, qui est silencieux, qui est rapide. Et la tortue, vraiment, c'est tout l'inverse, quoi. Ils font leurs personnages, qui sont donc des tortues ninja, ces deux trucs qui ne peuvent pas fonctionner ensemble, et ils décident d'associer des mots-clés, qui sont les mots qui sont à la mode dans les comics à ce moment-là. Qui sont les mots « teenage », donc qui veut dire « jeune », et surtout « mutant ». On était dans une époque où, justement, les mutants, les X-Men, tous les héros qui avaient, du coup, eu des problèmes... où avaient eu leur pouvoir grâce à de la radioactivité, tel que Spider-Man, tel que Hulk. On avait beaucoup, et c'était un mot-clé qui fonctionnait énormément, c'était le mot mutant. Et donc, du coup, ils l'ont mis dans le titre pour que ça devienne Teenage Mutant Ninja Turtles. Et le Teenage, du coup, c'est celui des Teen Titans, qui est la version jeune de la Justice League à l'époque. Et du coup, les X-Men et les New Mutants chez Marvel et les Teen Titans chez DC Comics, c'est ce qui cartonne à l'époque. Et donc, bah, dans cette soirée, ils finissent par pondre une sorte d'imbroglio très bizarre qui veut rien dire. Les fameux Teenage, Mutant, Ninja, Turtles, où tu as quatre mots qui ne sont pas faits pour être associés finalement et qui, en fait, mis bout à bout, bah, donnent un concept qui est rigolo et génial. Ils se disent qu'ils vont en faire une BD. Et il se lance dans un one-shot de 48 pages. Un one-shot, c'est quoi, Alex ? Un one-shot, c'est une histoire courte avec un début et une fin dans le même numéro, quoi. Donc, les Tortues Ninja, ça devait être 48 pages en one-shot et il ne devait pas y avoir de suite. D'ailleurs, on peut le dire, dans le premier numéro des Tortues Ninja paru en 84. 84, mai 84. Shredder meurt à la fin. Shredder meurt à la fin, ouais, effectivement. Mais après, il va mieux depuis. Hein. Ce qui est bien, dans ce premier numéro, c'est qu'ils ont réussi à garder les codes généraux du comics ou même des films, c'est-à-dire qu'on voit le méchant tomber d'un immeuble, mais à la fin, sur la dernière page, on ne voit pas son corps. On voit juste un morceau de son armure qui reste par terre écrasé, mais au final, on ne sait même pas sur le premier numéro. Alors, les auteurs, quand on leur a posé la question, pour eux, Shredder était vraiment mort dès le premier numéro, mais effectivement, c'est vrai qu'à la dernière page, c'est quand même une fin un peu ouverte où Shredder n'est pas forcément mort. Si ça vous intéresse, on a un facsimilé du premier numéro qu'on peut regarder directement avec nous. Le tout premier numéro des Tortues Ninja de mai 1984. C'est une réédition, hein, calmez-vous. Ah, c'est pas le vrai alors ? Non, c'est pas le vrai. Il faut savoir qu'ils ont rajouté, du coup, on a déjà ce mix Teenage Mutant Ninja Turtles, et ils ont rajouté en plus toutes les références qu'ils avaient à l'époque. On a une vague de cinéma d'arts martiaux. Il y a beaucoup de personnages issus de clans de ninjas dans les comics à ce moment-là, notamment le clan de la main chez Daredevil. Eux, ils vont faire le clan du foot, le clan du pied, qui est une parodie de ce truc-là. Ils vont reprendre des cases de Frank Miller, du Daredevil de Frank Miller, qui vont être vraiment copiées-collées et remises dans ce premier épisode. C'est blindé de références. Et pour rajouter une touche de débilité et de n'importe quoi, ils vont s'inspirer des artistes de la Renaissance pour nommer les Tortues Ninja, avec trois peintres de la Renaissance, Léonard de Vinci, Michel-Ange et Raphaël, et un sculpteur, Donatello, parce que souvent on entend que c'est quatre peintres de la Renaissance, mais non, Donatello c'est un sculpteur. C'était la petite minute anecdote culturelle de ce truc-là. Et donc ce premier épisode sort, il est autoproduit, ils vont emprunter un peu d'argent pour sortir ce premier tirage, et ils impriment 3250 exemplaires de ce premier numéro, de ce premier one shot, en se disant que bon, bah, s'ils arrivent à équilibrer un peu les comptes, ce sera pas mal, mais qu'ils sont assez fiers de leur connerie. Et qui du coup a été épuisé très rapidement, qui a vraiment cartonné, donc ils ont réimprimé après... D'abord à 6000 exemplaires. 6000 exemplaires. Et ensuite après... 30 000 exemplaires. Donc on a un one shot qui a été pondu dans le garage de deux types, et qui finit par sortir à 40 000 exemplaires. Il faut savoir qu'ils n'étaient vraiment pas du tout prêts à ce que ça marche, et que du coup, dans la structure, ils n'ont pas de bureau, par exemple. Ça se fait dans une piole chez Peter Laird. Oui, c'est ça, ça se fait dans le garage de Peter Laird, et puis ils appellent leur maison d'édition Mirage Studio, c'est en référence justement à Mirage, quelque chose qu'on ne voit pas, mais qui n'existe pas, qui pourtant est bien là. Ouais. Et contrairement à ce qu'on peut imaginer aujourd'hui en connaissant les Tortues Ninja, à l'époque, c'est pas du tout un titre pour enfants. C'est violent. Absolument c'est, pas. C'est hyper social, c'est référencé, c'est sombre. C'est assez sombre. Déjà, toutes les planches sont en noir et blanc, et le dessin, on peut dire qu'il est. Les tortues sont toujours en colère et n'ont pas trop d'émotions, n'expriment pas trop d'émotions. Et puis, dès le premier, oui, effectivement, numéro, on voit vraiment l'épée de Leonardo traverser le corps de Shredder, donc ce qui est quelque chose d'inconcevable aujourd'hui de voir ça soit en film ou soit en tout cas en animé, c'est pas possible. C'est un vrai du coup comics adulte underground du début des années 80. Le premier numéro sort en mai, il devait être un one shot, finalement ça marche, ils finissent par faire un deuxième numéro. On voit l'apparition de personnages comme April O'Neil dans ce numéro. Oui, comme April O'Neil et puis comme le docteur Stockman. Ouais, qui deviendra une mouche plus tard. Qui deviendra une mouche, qui a créé la Légion des petits robots carnivores. Là, ouais. Et c'est, oui, c'est dès le deuxième numéro et qu'ils apparaissent. Mais je trouve que pour un premier numéro, des mecs qui sont partis comme ça, dans un garage, faire, on peut le dire, un truc assez à l'arrache, les bases sont quand même bien posées dès le premier numéro, parce qu'on a vraiment le clan foot, on a les origines, dès le premier numéro, on découvre les origines de Splinter, que son maître était un spécialiste des arts martiaux, et on découvre les origines de Shredder et du maître de Splinter, que les tortues ont été exposées à une fiole de radioactivité, ce qui les a fait grandir et mûrir grâce aux mutagènes. Toutes les bases sont vraiment bien posées dès le premier numéro, et c'est les mêmes bases qu'on a encore aujourd'hui, qui n'ont jamais trop été touchées ou modifiées ou réinventées. Et ça, je trouve ça assez surprenant pour un comics qui a 35 ans et puis pour un truc aussi futile dans le monde du comic book aux États-Unis. C'est ce qu'on va pouvoir voir au fur et à mesure de l'évolution en fait des Tortues Ninja, puisqu'elles se sont déclinées, on l'a dit, hein, en jeux vidéo, en dessins animés, en films. À chaque fois qu'il y a eu une déclinaison autour du thème des Tortues Ninja, ça a apporté quelque chose qui est venu enrichir ce mythe global. Malgré tout, les bases en fait des tortues sont là dès les premiers numéros du comics inventés par les deux auteurs originaux dans les années 80. Donc un deuxième numéro sort avec l'apparition d'April O'Neil et de Baxter. Et puis, vu qu'ils voient qu'il y a un certain engouement autour de la marque Tortue Ninja, les auteurs commencent à lancer tout de suite des produits dérivés qui sont à ce moment-là uniquement en vente par correspondance. Il y a des t-shirts, il y a des badges, il y a des... Bon, c'est un peu... Ils faisaient un peu les mêmes choses que Marvel. C'est si à l'époque, on pouvait s'abonner au comic book des maisons d'édition. Et c'est vrai que si on était abonné, du coup, on avait droit à des petites cartes postales, à des calendriers, à quelques trucs en plus de notre magazine. Et c'est vrai qu'eux aussi ont lancé ça. Et ont même fait des petites figurines en plomb qui mesuraient... 1 cm, 1 cm 5. C'est ça, oui, il y avait un jeu de plateau avec des figurines. Ils ont créé un petit merchandising autour de leur création. Et ils voyaient bien que ça aussi, ça prenait également. Et même au niveau des vêtements également, ils retrouvaient beaucoup de contrefaçons, mais juste sur des vêtements Tortue Ninja, alors qu'ils n'y étaient pour rien. Et du coup, ils se sont dit qu'il y avait un filon à exploiter. Et ce n'est pas les seuls à s'être dit qu'il y avait un filon à exploiter, puisqu'il y a un type qui rentre à ce moment-là et qui est dans la danse et qui est très très important pour l'évolution des Tortues Ninja. C'est un type qui s'appelle Mark Friedman, qui repère la licence, qui est lui agent spécialisé en produits dérivés. Son job, c'est de prendre des licences, de trouver des fabricants de jouets et de leur faire fabriquer des jouets autour de ces licences-là. C'est un petit nouveau, puisqu'il a déjà travaillé sur G.I. Joe, il a déjà travaillé sur Robotech, qui n'avait pas du tout marché. Et lui, les Tortues Ninja, le concept l'intéresse, il trouve ça rigolo, donc il rencontre les auteurs. Le rendez-vous se passe un peu à la bonne franquette, dans une pizzeria un peu miteuse, à côté de là où habitent Peter Laird et Kevin Eastman. Ils vont signer un contrat sur une serviette en papier du restaurant, et le contrat c'est « Marc, vous avez 8 mois pour trouver une boîte qui va nous fabriquer des jouets et des licences Tortues Ninja ». Donc, Marc va faire le tour des fabricants de jouets. Il va commencer par aller voir Hasbro, que ça n'intéresse pas du tout. Hasbro, Mattel, les Kenner. Les ouais, Hot Toys également. Non, ça existait déjà. Ouais, je ne suis pas certain. Je ne l'avais pas sur ma liste. et du coup, bon, personne ne croit dans cette licence. Elle est trop compliquée. Des tortues qui font du ninjutsu, qui sont des mutants. Les gamins ne vont pas adhérer, ça ne marchera pas. Ouais, et puis, ils ont des armes. Et ça, le problème, c'est qu'à l'époque... Déjà rien qu'avec le Comic Code Authority, où on devait censurer justement la violence dans les bandes dessinées, il y avait ce problème-là aussi des armes, et que beaucoup ne voulaient pas produire de tortues avec une tête un peu méchante, et puis des épées, des sailles, des bâtons et des nunchaku. Et du coup, Mark Friedman se retrouve un peu par hasard chez un fabricant de jouets qui s'appelait le Playmate Toys. Et Playmate va finalement être intéressé. C'est une société hongkongaise, si je ne dis pas de bêtises, qui vient d'ouvrir un bureau aux États-Unis et qui a besoin d'avoir une licence à vendre, parce qu'ils n'ont quand même pas grand-chose. Du coup, ils acceptent cette licence. Ils vont avoir une politique d'économie pour faire des jouets pas chers et pour pouvoir l'imposer. Mais surtout, ils vont exigeaient d'avoir un support publicitaire pour vendre leurs jouets. Et comme avec les licences de l'époque, les G.I. Joe, comme avec les Dino Riders, comme avec à peu près toutes les licences de l'époque, le support publicitaire dont on va avoir besoin pour faire ça, c'est un dessin animé. Et c'est comme ça qu'on lance la production d'un dessin animé qui est devenu culte, qui est souvent notre premier point de contact avec les Tortues Ninja, qui en fait, à l'origine, devait être uniquement un téléfilm publicitaire en 5 parties et qui finalement va être un dessin animé en 193 épisodes. Oui, sur 5 saisons, je crois. C'est ça. Oui, 5 saisons. 5 saisons de Tortues Ninja et bah, le public a été au rendez-vous. Ça a vraiment cartonné. Je pense que jamais ils auraient pu penser que ça allait prendre autant d'ampleur. Et le problème, c'est que le problème ou pas, c'est que les tortues ont dû être un peu personnalisées, même les personnages comme Shredder ou Splinter, un peu modifiés pour que le dessin soit plus allégé et s'adresse vraiment à un public de jeunes. Et la fameuse différence des bandeaux et des couleurs des tortues, à la base, à l'origine, on les différenciait uniquement avec leurs armes. Et maintenant, il fallait trouver quelque chose pour les enfants pour qu'on puisse les repérer plus facilement. Donc, rajouter une ceinture avec leurs initiales et puis un bandeau différent à chacun. Avec voilà, la couleur, et ce qui permet en plus, le fait d'avoir 4 tortues avec des bandeaux de couleurs différentes permet de vendre 4 fois plus de figurines parce qu'il fallait bien sûr que les enfants possèdent les 4 tortues ninja. À l'origine, d'ailleurs, Donatello et Michelangelo étaient inversés. Oui. Michelangelo était en violet et Donatello était en orange. Et il y a eu des publicités qui, de l'époque, ont été retrouvées. Et du coup, on peut voir justement ça. Donc, il y a deux choses qui se passent autour de ce dessin animé. D'abord, il a fallu adoucir l'univers des Tortues Ninja. Les personnages deviennent plus souriants, le trait devient plus rond. Il faut leur inventer une galerie d'ennemis parce qu'il faut occuper les personnages sur cette centaine d'épisodes. C'est presque 200 épisodes d'ailleurs. On invente Bebop et Rocksteady, le Facochère et le Rhinocéros, qui sont une pure invention du dessin animé et qui aujourd'hui ont été complètement rajoutés et intégrés au mythe des Tortues Ninja. Alors Rocksteady, le Rhinocéros, on voit beaucoup de Rhinocéros dans les premiers comics Tortues Ninja. Donc je pense que la référence vient déjà de là. Mais oui, effectivement, Rocksteady en tant que lui-même n'était pas inventé. Et c'est la même chose avec Krang. C'est-à-dire que la race des Ultrums, on l'avait déjà vu dans les comics, mais le personnage de Krang qui veut conquérir la Terre avec son technodrome, c'est quelque chose qui n'existait pas. Et d'ailleurs, ils ont même sorti un jouet où il y a le corps de Krang. Oui. Il y a juste le corps, mais sans la tête. Son vrai corps. Son vrai corps. Pardon, j'ai perdu mon fil. Plouf, plouf. Oui, du coup, Peter Laird et Kevin Eastman ont une autre idée de génie, c'est qu'ils décident de mettre sur le projet des potes dessinateurs à eux qui sont censés travailler en plus travailler sur la licence pour inventer des nouveaux concepts et plein de personnages. Et c'est pour ça qu'on va pouvoir voir une gamme de jouets qui va se développer pendant une dizaine d'années avec une tonne de personnages farfelus qui finalement ont été inventés par des dessinateurs de comics qui se sont éclatés, quoi. Clairement, quand t'as pas une photo des différents jouets. J'ai pas de photo des jouets. Là. Je sais que quand j'étais petit, j'avais un pizzaiolo qui avait une jambe de bois à la place de sa jambe, et sa chaussure c'était une boîte à pizza. Et du coup, il jetait des pizzas acides, sur les méchants, des poisons et tout ça. Ouais. Du coup, les jouets se vendent très bien grâce à une politique tarifaire agressive. Ce qu'il faut savoir, c'est que les jouets Ghostbusters, par exemple, qui sortaient à l'époque, coûtaient à peu près 2 fois plus cher que les jouets Tortues Ninja. Ce qui fait que les parents préféraient acheter des jouets pas chers pour les kids aux fêtes de Noël de cette époque-là. Et puis, l'autre astuce qui a été trouvée, c'est que le dessin animé a délégué la production de certains épisodes à des boîtes françaises, ce qui a permis d'être considéré comme une coproduction française et ce qui a permis de simplifier la diffusion sur Canal+ et sur France 3, puisque le dessin animé devenait une sorte de coproduction française qui permettait d'échapper complètement aux quotas de diffusion et aux verrous qui étaient imposés à la télé dans ces années-là. Évidemment, les jouets se vendent bien puisqu'ils sont pas chers. Le dessin animé fonctionne pour plein de raisons. Les Tortues Ninja débarquent aussi à ce moment-là en jeu vidéo avec le premier jeu Tortues Ninja sur NES, qui est le jeu de Konami, qui est réputé pour sa difficulté outrancière. Tu l'as fait quand tu étais petit, le jeu de NES ou Non. Ouais. Non, non. Moi, j'ai vraiment été traumatisé par le niveau du barrage où il faut se balader avec les algues et tout. Et ensuite, on arrive au film en 1990. En 1990, ouais. Le tout premier film Tortue Ninja qui débarque. Elles font un peu peur. Hein. Elles faisaient un peu peur. Mais elles sont hyper bien réussies. Elles sont très bien réussies pour l'époque. En animatronique, elles ont vraiment l'air vivantes. C'est des effets spéciaux à l'ancienne. Hein. C'est des masques animés. C'est incroyable, mais... on voit encore des images justement dans le bouquin de chez Huggin et Muggin où justement il y avait différents masques avec différentes expressions des tortues. Je ne sais même pas comment ils arrivaient à monter ça à l'époque, mais en tout cas, niveau effets spéciaux, costumes, pour moi, les Tortues Ninja, le film reste vraiment une grande réussite. Et même à l'heure d'aujourd'hui, c'est assez bluffant, je trouve. Et d'autant plus dans sa fidélité au matériel original. Avant de revenir sur, avant de reparler des comics, tu parlais du bouquin de Huggin et Muggin que tu as amené. C'est un bouquin qui retrace lui aussi l'histoire de l'évolution de la licence des Tortues Ninja avec beaucoup d'objets à manipuler, avec des facsimilés, avec des reproductions de. C'est un beau livre en fait. Hein. C'est un très beau livre. C'est un très très beau livre. Un bel objet de collection. Du coup, la vie des Tortues Ninja en comics. C'est très compliqué puisque on l'a vu, ça a commencé par être publié par Mirage Studio. D'ailleurs, ces épisodes de Mirage Studio, vous les retrouvez dans un bouquin qui s'appelle Teenage Mutant Ninja Turtles Classic, qui vient de sortir chez iComics, qui est l'éditeur aujourd'hui en France des Tortues Ninja. Mais il faut savoir que les Tortues Ninja ont été baladés d'éditeur en éditeur, puisqu'on retrouve des aventures des Tortues Ninja qui ont pu être publiées du coup, chez Image Comics. On va retrouver les Tortues Ninja qui vont rencontrer d'autres personnages des licences Image comme Savage Dragon. On va retrouver évidemment les Tortues Ninja chez Archie Comics et on va les retrouver chez IDW qui d'abord va republier du matériel original et qui va lancer une série, la série qui est actuellement publiée chez iComics et qui est une excellente série. Il y a tout en fait ce qu'on aime dans une série de super-héros. Dans ce bouquin d'iComics. Il y a la notion d'équipe, de fraternité, d'une famille qui, malgré toutes les batailles, toutes les aventures, doivent rester soudées. Forcément, l'ennemi juré principal, ça reste toujours Krang et Shredder. Mais il y a de vrais enjeux dans une série comme ça, en continu. Il peut y avoir des blessés, presque des morts. C'est une vraie série adulte avec de vrais enjeux, une bonne trame scénaristique et de belles surprises. J'étais agréablement surpris justement de cette nouvelle série. Il y a quand même un truc particulier, c'est que les Tortues Ninja, ça a une vie difficile. Quoi. Ça s'est baladé d'éditeur en éditeur, souvent parce que ça ne marche pas. L'occurrence là, qui est proposée par iComics, c'est la deuxième fois que ce titre de IDW est proposé en France. Il y a eu 4 tomes chez Soleil qui n'ont pas bien marché. Et c'est pas un secret, puisque même l'éditeur en parle, les Tortues Ninja en comics, même chez iComics, c'est pas un succès de vente de ouf comparé par exemple à ce que l'éditeur publie autour de Rick et Morty. C'est vrai qu'après, je peux comprendre que ça freine un peu les gens de vouloir lire des aventures de 4 tortues ninja, hein, tout simplement. Même 35 ans après, je pense que ça peut freiner certains encore. Ouais. Alors que pourtant, si on passe outre la barrière, que ce soit des tortues, moi j'adore les tortues, donc j'ai aucun souci là-dessus, mais si on passe outre ça, ça reste quand même une super série. Quoi. Et puis, il y a aussi le fait, je pense que l'époque des arts martiaux qu'on a connus dans les années 80-90, on a tous grandi avec des films de Jean-Claude Van Damme, etc. Et Karate Kid et Bruce Lee et tout ça. Je pense que c'est une époque aussi qui est un peu révolue maintenant. Et du coup, c'est peut-être un peu dur aussi. Il y a peut-être ce côté tortue, un peu what the fuck. Et puis et le côté samouraï ninja qui est plus dans la tendance. Que d'ailleurs d'autres maisons d'édition ont voulu surfer sur le coup, telles que Marvel avec Iron Fist, justement, qui a été créé uniquement parce que c'était la tendance des films dans les années 80-90. Et c'est pour ça qu'ils ont créé des personnages comme ça. Mais c'est vrai que maintenant, en 2019, c'est peut-être un peu compliqué de montrer des aventures de tortues samouraï. Alors, si on veut lire du Tortue Ninja en comics et en français, qu'est-ce qu'on trouve aujourd'hui sur le marché Mon Petit Marvel. Eh bien, on trouve donc du coup chez iComics la première série, donc les grands classiques, la toute première série de 1984, qui a été rééditée au mois d'octobre de cette année. Et puis ensuite, il y a toute la série de chez Soleil. Donc les années, je ne les ai pas, mais ça devait être 2004 ou 2005, je crois, le début de cette série. Je crois que c'est un peu plus récent, mais c'est... Oui, dans les années 2000, donc la série qui est juste ici. Tadam. Et donc qui reprend... Il y a 8 tomes, c'est ça, pour l'instant? Il y a un tome zéro, en fait, qui réunit les 4 tomes qui avaient déjà été édités chez Soleil. iComics a voulu quand même republier ces numéros-là dans un bel omnibus intégral. Et après, ils ont leur tome 1, en fait, reprend là où Soleil s'était arrêté, ce qu'ils ne voulaient pas reprendre dès le début, parce que beaucoup de lecteurs avaient les éditions de chez Soleil et les gardaient précieusement, parce qu'elles ont pris un certain prix sur les réseaux sociaux par de gentils spéculateurs qui font que elles étaient introuvables, surtout le tome 1. Et du coup, iComics a réédité ça dans un omnibus sur un tome 0. Et après, aujourd'hui, oui, on a 7 tomes en plus de ça. Et une série toujours aussi intéressante, avec des crossovers, avec des mélanges assez incroyables. Et c'est vraiment bien. Moi, c'est vraiment la meilleure série en cours actuellement que je lis en France et que je lâche pas et que j'adore. Il y a des arts martiaux, de la guerre des gangs, des problèmes interdimensionnels. Là, dans l'histoire, on en est à l'attaque du Technodrome. En plus, c'est un vrai point d'action. C'est le bon moment pour justement, reprendre la série. Justement, oui, ce tome 1, on va revoir les conséquences de tout ça dans le tome 5. Et c'était absolument incroyable. Et puis après, si on est vraiment complétiste, il y a des rencontres en fait entre les tortues et d'autres personnages. On a par exemple 2 tomes de Batman Tortue Ninja qui sont sortis en version adulte, plus un tome Batman Tortue Ninja Aventure qui est beaucoup plus orienté dessin pour animé. Les enfants, ouais. Batman Tortue Ninja Aventure, c'est l'adaptation du dessin animé Batman des années 90 qui rencontrerait l'adaptation en dessin animé des Tortue Ninja. En fait, c'est une sorte de crossover de dessin animé, mais en version comics. Et puis on a il y a eu également Tortue Ninja et Ghostbusters. Exactement. Publié chez Ed Flamival, qui était une très bonne série et qui du coup on en reparle apparemment dans le tome 7. Oui, il y a des références dans le. J'avais pas fait le rapprochement parce que je l'avais lu, mais on m'a posé la question sur les réseaux sociaux justement. C'est quoi cette histoire des Tortue Ninja et de Ghostbusters? Donc ça fait le lien, donc c'est plutôt sympa. Dans le jargon, on appelle ça un récit canonique, et ce qui est pas souvent le cas avec les rencontres qui souvent sont des histoires un peu à part, indépendantes et sans vraiment de conséquences. Là, du coup, ce Batman Ghostbuster devient un récit canonique, devient important dans la mythologie des Tortues Ninja. Donc, 4 titres à suivre. Tortue Ninja Classics, pour replonger dans les années 80 et se rendre compte de l'influence qu'ont eu les Tortues Ninja sur le marché de la BD américaine. Si vous êtes intéressé aux comics, c'est un vrai document historique à avoir, puisqu'il y a plein de choses qui préfigurent le Dark Age, qui est vraiment marqué par Dark Knight Returns de Frank Miller et par Watchmen de Dave Gibbons et Alan Moore, mais également d'autres titres donc, qui ont préfiguré cette période-là, comme Miracle Man ou le Tortue Ninja Classics, publié chez iComics. Et puis c'est vrai que cette époque-là, même si c'était en 1984 et ces deux mecs ont créé ça dans leur garage, au scénario, c'est quand même c'est bluffant, c'est vraiment bien écrit, les références sont bonnes, tout est bon dans ce comic, c'est assez bluffant de se dire que ces deux mecs dans un garage qui ont créé ça et qui étaient juste inspirés par des grands du comics et qui ont réussi à faire ça. Et je comprends pourquoi le tome 1 a marché, parce que vraiment dès la première lecture, c'est un très bon comics. Le Tortue Ninja Classics pour découvrir les origines. La série en cours avec Tortue Ninja, publiée chez iComics avec 8 tomes pour être complet aujourd'hui. Les 3 Tortue Ninja Batman et le Batman Ghostbuster publié chez Ed Flamival. Ça fait quand même quelques lectures et il n'y a pas de déchets en fait. Pour l'instant, il y a plutôt que du bon dans les lectures Tortue Ninja qui ont été publiées en France. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On devait avoir Sullivan Rouault, l'éditeur. Et puis le Guin et Mugin. Et le Guin et Mugin pour tout savoir en fait sur la création des Tortue Ninja. J'ai oublié le titre du bouquin de Guin et Mugin. Qui s'appelle juste Toute l'histoire des Tortues Ninja, et dans qui est un bouquin dans lequel il y a plein d'objets à manipuler, il y a plein de facsimilés, il y a plein de lettres de fans, de plein de trucs à retrouver et à manipuler pour découvrir la création du comics à cette époque-là. On devait avoir Sullivan Roux avec nous, l'éditeur de iComics aujourd'hui, qui n'a pas pu être là pour des raisons logistiques, ce qui ne va pas nous empêcher de faire notre instant promo et de parler du catalogue de iComics, parce que d'abord ils publient les Tortues Ninja, donc c'est important d'en parler, et qu'il y a de la prise de risque dans le catalogue de iComics. Aujourd'hui, ce qui marche le mieux chez eux, c'est Rick et Morty, qui est l'adaptation du dessin animé, et qui est un vrai succès. Mais il y a beaucoup d'autres titres qui sont des prises de risque, notamment I Kill Giant. Qu'est-ce que tu as lu là-dedans? Moi, j'ai sélectionné I Kill Giant, Invisible Republic et The Few. Tu as lu les trois? J'ai lu les trois, et je suis déçu que tu n'aies pas mis Lock and Key. Oui, Lock and Key, qui est la réédition de Milady. Mais faut savoir que la maison iComics, quand elle est sortie et quand elle a montré son catalogue, j'étais juste fou amoureux, et je me suis arrêté presque de lire du Marvel pour me plonger uniquement chez tout ce que pouvait publier iComics et Sullivan Rouault, parce qu'il publie deux de mes séries préférées, donc les Tortues Ninja, donc forcément qu'on attendait tous avec grande impatience leur retour, et ils ont récupéré les droits et ils ont republié encore une fois, ça fait la troisième édition, Lock and Key. Donc Lock and Key, c'est une série de Joe Hill, c'est le fils de Stephen King, et qui va être adapté printemps prochain sur Netflix. Donc l'histoire, en gros, c'est une famille qui récupère une maison, en fait, un grand manoir, et dans le manoir, il y a des clés qui sont cachées, et chaque clé donne un pouvoir. Et après, il y a une force du mal qui veut récupérer toutes ces clés pour dominer le monde, et c'est une équipe d'enfants, d'adolescents qui va essayer de sauver le monde, on peut dire. Ça fait un peu Goonies avec un peu de surréalisme, de fantastique, et d'horreur, et c'est vraiment super super intéressant. C'est ma série comics préférée, tout confondu, donc je la conseille vivement. Une histoire qu'on va retrouver bientôt adaptée sur Netflix. Sur Netflix, ouais. Printemps 2020. Moi, dans la sélection, j'ai adoré I Kill Giant, qui est du coup une histoire intime. Hyper touchante. Ouais, ça raconte en fait l'histoire d'une gamine, avec une gamine tout à fait ordinaire, avec un marteau géant qui va aller péter des monstres. Des monstres de la taille d'un building. Des titans, ouais. Des titans. Ouais. Et en fait, tout ça est une métaphore de quelque chose de beaucoup plus personnel, d'intime, qu'on va découvrir dans cette BD. Je vous gâche pas la fin. En tout cas, ça commence comme une histoire d'action hyper bien menée, et ça finit comme un truc bouleversant. J'ai pleuré sur le comics, j'ai pleuré sur l'adaptation Netflix. Ah, j'ai pas vu l'adaptation, c'est bien ? C'est fidèle ? Ouais. Fidèle à 100%. Du coup, ça nous permet de teaser le prochain rendez-vous qu'on va vous proposer d'ici une petite vingtaine de minutes sur les comics et la bande dessinée américaine, puisque à travers les Tortues Ninja ou Lock and Key, qui est plutôt du coup une série un peu Goonies plus thriller plus science-fiction, ou I Kill Giant, qui est à la fois de la baston et un truc intime et émotionnalisant, ou alors Rick et Morty, qui est plutôt rigolo, ou alors Invisible Republic, qui est plutôt un thriller d'anticipation avec des touches de science-fiction. Oui, c'est un thriller polar de journaliste, en fait. J'ai plus trop le speech, mais j'avais bien aimé. Le pitch, c'est on va suivre un journaliste qui va trouver le journal intime de la cousine d'un dictateur, et donc il va pouvoir s'intéresser à la façon dont ce type, qui était un mec normal, est devenu le dictateur de cette lune dans cette civilisation science-fictionnelle. C'est marrant, quand on y pense, ça fait un peu le journal de Rorschach. De Watchmen. Ouais. Du coup, voilà, vous avez une idée de la diversité de ce qu'on peut trouver dans les comics, et c'est le thème de la prochaine conf qu'on va vous proposer d'ici une vingtaine de minutes. Les spécificités de la BD américaine, pourquoi est-ce que c'est différent du manga, du franco-belge, qu'est-ce que c'est que le comics, pourquoi est-ce qu'il n'y a que des super-héros dans les comics. Bref, on va pouvoir répondre à toutes ces questions sur notre prochain rendez-vous. On vous donne rendez-vous à partir de 15h ici même pour la prochaine animation de BD Mania consacrée aux comics. Voilà. Merci. Merci.